Bonjour, aujourd'hui, une émission intitulée « La fin du monde par la science, genèse d'une angoisse » qui avait été diffusée une première fois le 14 novembre 2015. Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort. Cela nous ramène en plein Moyen Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 40. L'homme, en jouant ainsi avec cette machine si compliquée, nature, me fait l'effet d'un aveugle qui ne connaîtrait pas la mécanique et qui aurait la prétention de démonter tous les rouages d'une horloge qui marcherait bien pour la remonter à sa fantaisie et à son caprice. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. La grande conférence internationale sur le climat, dite COP21, va s'ouvrir dans quelques jours à Paris et elle réunira 196 États. Elle vise au premier chef à obtenir un accord universel et si possible juridiquement contraignant sur les émissions de gaz à effet de serre, avec le but de maintenir le réchauffement climatique au XXIe siècle en dessous de 2 degrés Celsius. Or, il se trouve qu'à lire beaucoup des articles qui nous arrivent en déferlante à cette occasion, l'historien ne peut qu'être sensible à une certaine myopie rétrospective de bien des commentateurs. Beaucoup paraissent croire en effet que l'angoisse que suscite fort légitimement l'emprise délétère des humains sur la planète serait toute récente, exprimée et portée par l'écologie politique contemporaine. Rien n'est plus faux, en réalité, et l'émission de ce matin va s'attacher à le démontrer. Jean-Baptiste Fressoz, mon invité, chercheur au CNRS, enseigne à l'École des hautes études en sciences sociales et il a été maître de conférences à l'Imperial College de Londres. Sa présence s'imposait à ce micro, car ses travaux sont précieux sur la prise de conscience, progressive ou à éclipse, depuis le 19e siècle, des risques multiples engendrés par les progrès de la science et par la révolution industrielle. Risques concernant directement la santé des hommes et des femmes dans la longue durée, mais aussi déjà le changement climatique engendré pour la première fois dans l'histoire de la Terre par les comportements débridés de l'industrie humaine, par ses élans, par son énergie et par ses aveuglements. Sitôt que le printemps s'apparaisse, on va décolorer des chansons. Les musiciens et les poètes lui font la cour à l'unisson. Le printemps, s'il fallait les croire, son soleil, les fleurs, les oiseaux, vint chez nous. C'est une autre histoire, faut croire qu'il vient incognito. Il y a de la fumée dans ma banlieue, il y a des usines. On ne voit jamais, en levant les yeux, si le ciel est bleu. Les pauvres arbres poussiéreux ont mauvaise mine. Et les oiseaux, l'air dégoûté, ne veulent plus chanter. Les matins roses, les soirs tout bordés d'or. On le suppose pour y faire d'autres décors. Ça serait joli dans ma banlieue sur les cheminées bord. Oui, mais voilà, il y a de la fumée. Mais comme la fumée s'épiloche et se disperse au gré du vent, Je sens aussitôt que tu m'approches s'envoler au loin mes tourments. Au ciné ou dans les romances, il y en a sûrement des plus beaux que toi, mais pour moi, c'est sans importance, puisque t'es mon amour à moi. Il y a de la fumée dans ma banlieue, il y a des usines, mais j'ai trouvé un petit coin bleu là dans tes yeux. Que le ciel soit gris, qu'il soit brumeux, moi je devine tout un printemps qui m'éblouit quand tu souris. Mon regard pose partout des reflets d'or, du bleu, du rose sur le gris du décor. C'est merveilleux dans ma banlieue, toute l'année on s'aimera. Dans l'eau, Jean-Baptiste Fressos, bonjour. Bonjour. Je viens de vous proposer une chanson qui s'intitule « Il y a de la fumée dans ma banlieue ». C'est une chanson de Brosset Dalmont qui était interprétée par Lucienne Delisle, qui l'était en 1941. Mm-hmm. Je l'ai choisie parce qu'elle me paraît pouvoir avoir la figure d'une métaphore. Au fond, c'est le ciel bleu. Soyons optimistes un bref instant, en tout cas à l'orée de notre émission. Le ciel bleu pour représenter la COP21, l'espoir d'en finir avec les effets, en tout cas de brider les effets délétères de la présence de l'industrie et des ambitions sans mesure de l'homme contribuant à faire que la Terre s'use un peu comme un savon. Et puis c'est en 1941, c'est-à-dire un moment du retour à la Terre. Le contexte de Vichy est sans doute important. En même temps, il ne faudrait pas avoir une lecture peut-être trop, disons, déterministe de cette chanson. Il se pourrait bien que, effectivement, l'enjeu, ça soit la pollution et le fait que ce soit les banlieues en particulier qui souffrent de la pollution. Aussi, en 1941, on se situe à l'aboutissement de un siècle et demi de régulation sur les pollutions. En fait, c'est une longue histoire qui a déjà eu cours. C'est ce mode-là de régulation a produit cette concentration dans certaines banlieues industrielles des pollutions, des nuisances, du bruit, des risques, des dangers, etc. Une géographie de la sociologie de la répartition des inconvénients de l'industrialisation, c'est cela que vous nous dites? Exactement, ouais, sans tous ces mots compliqués, vraiment, à partir des années 1800-1810, il y a très clairement la volonté de faire en sorte que les pollueurs compensent les dommages environnementaux. C'est-à-dire que la pollution sera simplement un objet de compensation. Les industriels payent les voisins qui se plaignent, perdent des fois des procès et payent des indemnités pour les dommages. Et le résultat de cela, de ce type-là de régulation, qui est finalement assez laxiste, conduit à la concentration des industries et de leur pollution dans les quartiers les plus pauvres. C'est logique, puisque c'est ces quartiers-là qui n'ont pas les moyens de poursuivre aux civils et de faire augmenter finalement le coût de la pollution. Le point important aussi à avoir en tête, une fois qu'on sait que la régulation environnementale de la pollution depuis le 19e siècle, depuis la révolution industrielle en France et même plus généralement en Europe, repose sur la compensation financière, le point important à avoir en tête, c'est que ça questionne aussi la pertinence de ce mode de régulation actuellement. Ce qu'on nous vend comme des solutions efficaces, le principe de pollueur-payeur, les quotas carbone, etc. Des solutions, on nous vend ça aussi comme des solutions nouvelles. Si on a un regard historique, en fait, sur ces dispositifs-là, on voit qu'en fait, ils émergent au moment de la révolution industrielle et que loin de diminuer la pollution, ça a plutôt accompagné l'industrialisation et légitimé, en fait, les pollutions. Puisque nous parlons d'histoire, je voudrais, pour commencer notre émission ensemble, Jean-Baptiste Fressos, évoquer un texte que, je dois dire, j'ignorais avant de préparer notre rencontre et qui est tout à fait extraordinaire, qui montre à quel point les sociétés passées ont d'ores et déjà eu la préoccupation des effets sur l'environnement, de l'évolution économique et industrielle. C'est un texte à la fois du point de vue de la pollution, du point de vue du mode de vie et du point de vue, plus actuel encore ces jours-ci, de la climatologie, c'est-à-dire de l'influence de tout cela sur l'avenir de la planète en tant que telle. C'est vraiment la genèse d'une angoisse que nous allons étudier. Il s'agit d'un livre que je voudrais que vous nous présentiez, celui d'Eugène Huszár. Vous avez contribué à le faire émerger. Ça s'appelait « Fin du monde par la science », 1855. Ce texte, quand on le relit, est vraiment frappant parce qu'il sonne très très contemporain. ce texte, je l'ai découvert en fait après avoir vu un film apocalyptique hollywoodien, et puis je m'interrogeais un petit peu sur les représentations de la fin du monde après avoir vu ce film, et en tapant simplement dans les bases de données fin du monde, je suis tombé sur ce titre extraordinaire, La fin du monde par la science. Qui était-il, ce Huzard? Alors, ce Huzard, c'est un touche-à-tout, quelqu'un de fortuné qui n'avait pas forcément besoin de travailler. Il avait une formation de juriste, il s'intéresse aussi à la médecine, il avait eu un brevet d'officier de santé. Ce qui est intéressant, c'est que Huzard, c'est la première critique progressiste du progrès. Ce n'est pas du tout un romantique qui vitupère contre la laideur du monde ou l'esprit de jouissance du 19e siècle. Ce n'est pas un décliniste, comme on dirait aujourd'hui. Non, au contraire, il pense que la science est extraordinaire et que la technique, c'est en train d'acquérir une puissance absolument faramineuse. Donc, il croit vraiment dans le progrès. Et en même temps, il se pose la question naturelle et évidente de dire, à force de cette montée en puissance de la technique, on ne risque pas, finalement, d'aboutir à une apocalypse, à une fin du monde technologique. Et il a une vision assez originale de l'histoire passée. Il pense qu'en fait, la Terre est infiniment ancienne. Il y a eu par le passé des centaines de cycles de montée en puissance technologique et civilisationnelle, suivie d'apocalypses brutales, tellement brutales que les survivants auraient oublié l'existence de cette civilisation si puissante, et puis de nouveau une phase de croissance qui aboutit à une apocalypse. Et l'enjeu pour lui est vraiment crucial, son but c'est de retarder cette apocalypse finale en fait. Eh bien écoutons-le, c'est un extrait de La marche des sciences d'Aurélie Luneau sur France Culture en juin 2012, c'est une lecture de Philippe Laudenbach. Nous savons ce qui est. Tant bien que mal, les lois de la nature fonctionnent pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Savons-nous ce qui adviendra quand nous aurons partout substitué notre action à la sienne? L'homme, en jouant ainsi avec cette machine si compliquée, la nature, me fait l'effet d'un aveugle qui ne connaîtrait pas la mécanique et qui aurait la prétention de démonter tous les rouages d'une horloge qui marcherait bien, pour la remonter à sa fantaisie et à son caprice. Mais, me dira-t-on, ce que fait l'homme par rapport à la nature, ne peut-on le comparer à une simple égratignure faite à l'épiderme d'un homme vigoureux et bien portant? Je le veux bien, mais qui ne sait pas que, selon les occasions, par exemple le pied, une simple égratignure donne la mort? Quels sont les moyens palliatifs que je propose? Premièrement, l'homme, dans l'avenir, ne doit pas tenter des expériences capitales décisives sans avoir l'assurance qu'elles ne peuvent en rien troubler l'harmonie des lois de la nature. Deuxièmement, il faudra, dans l'avenir, créer des écoles spéciales ayant pour but de déterminer et d'étudier les lois qui constituent l'équilibre du globe. Troisièmement, il faudra aussi, dans l'avenir, créer une édilité planétaire qui réglemente le travail humain de telle sorte que rien de décisif, de capital, tel que le déboisement d'un continent ou le percement d'un isthme, etc., ne puisse avoir lieu sans l'autorisation de l'édilité planétaire. Cette édilité aura son siège dans une des grandes villes du monde. Elle sera composée de l'élite de la science du monde entier. Chaque édile sera nommé par ses concitoyens. Les édiles seront les premiers magistrats du monde, et chaque fois qu'une nation voudra entreprendre une de ces tentatives audacieuses qui peuvent troubler l'harmonie du monde, elle devra s'adresser aux édiles qui pourront lui donner ou lui refuser l'autorisation, car ils seront là pour veiller à la conservation de l'harmonie du globe. La nation qui enfreindrait les ordres des édiles serait mise au banc des nations comme s'étant rendue coupable du crime de lèse-humanité. Je rappelle, Jean-Baptiste Fressos, que c'est un texte de 1855. Je ne sais pas si nos États qui vont se réunir dans quelques jours à Paris considéreront qu'il se situe dans la longue durée, dans la lignée de ce personnage majeur, Eugène Huzard, et deviennent des édiles, l'édilité de l'avenir, avec la mise au banc de l'humanité, d'un certain nombre de nations, tout ça pour servir la loi de la nature, assurer qu'on ne la trouble pas. Je voudrais revenir sur la date de 1855. C'est en fait la date d'une exposition universelle de l'industrie. La première à Paris. Évidemment, la presse est saturée de louanges du progrès, de louanges des machines impressionnantes, etc. Et Eugène Huzard a un succès de scandale. C'est-à-dire que son texte s'inscrit évidemment à rebrousse-poil de ses louanges du progrès, et il obtient un immense succès. Le plus curieux, c'est qu'on l'ait oublié, en fait, parce qu'à son époque, Eugène Huszard est très connu. En 1856-57, dans les années suivantes, la presse fait souvent des comptes rendus d'Eugène Huszard, s'y réfère comme un des plus grands textes du 19e siècle. Félix de Saulcy, un grand orientaliste, dit « c'est le livre le plus important que j'ai jamais lu ». Le livre est réédité plusieurs fois, il est traduit en portugais, et malgré tout, ce texte est effectivement tombé dans l'oubli. Le point important, à mon avis, c'est vraiment que Eugène Huszard, une imagination apocalyptique absolument débordante. Il aurait fait un excellent scénariste à Hollywood. Il imagine des choses assez farfelues. Par exemple, il explique que quand on creuse des canaux interocéaniques, on discute évidemment du canal de Panama, est-ce qu'on est bien sûr que le niveau des océans est égal? C'est-à-dire, est-ce qu'on risque pas d'avoir un afflux d'un océan dans un autre et produire des inondations absolument dévastatrices? Il y a tout plein de choses un peu farfelues. Et puis, il y a quand même de très belles anticipations. Je voulais vous en lire une. Donc, dans 100 ou 200 ans, le monde étant sillonné de chemins de fer, de bateaux à vapeur, le monde étant couvert d'usines, de fabriques, le monde dégagera des milliards de mètres cubes de dioxyde de carbone et d'oxyde de carbone. Et comme les forêts ont été détruites, ces centaines de milliards de mètres cubes d'oxyde de carbone pourront bien troubler un peu l'harmonie du monde. Formidable actualité. Oui. Il peut sembler précurseur, mais en fait, ce que fait Eugène Huszard, c'est simplement donner une résonance au débat de son époque. Restons un instant sur la pollution. Il se retrouve des composantes diverses. Il y a à la fois le travail des hygiénistes, qui se préoccupent effectivement de ce que l'air autour peut impliquer de désastre pour la santé, en particulier des ouvriers. Il y a aussi un certain déclinisme romantique, comme nous dirions aujourd'hui. Vous rappelez ces vers de Musset dans son fameux poème qui s'appelait « Rolla », je le cite. « Vous vouliez faire un monde. Eh bien, vous l'avez fait. Votre monde est superbe et votre homme est parfait. Les monts sont nivelés, la plaine est éclaircie. Vous avez sagement taillé l'arbre de vie. Tout est bien balayé sur vos chemins de fer. Tout est grand, tout est beau, mais on meurt dans votre air. » Oui, c'est une référence directe en fait aux questions de pollution concrète des environnements. Il faut aussi avoir en tête que la question de la pollution au 19e siècle est cruciale. Elle est à la limite beaucoup plus importante que maintenant, parce que jusqu'à assez loin dans le 19e siècle, on est convaincu que l'environnement, la qualité de l'air, des eaux, c'est le déterminant essentiel de la santé des populations. La doctrine médicale dominante à l'époque, on la qualifie de néo-hippocratique. Pourquoi? Parce qu'à cause d'Hippocrate, le grand médecin de l'Antiquité. Le traité des eaux, des airs et des lieux, qui expliquait que les causes des maladies étaient dans l'environnement. Et donc, l'industrialisation, avec son cortège inouï de pollution, dans le cadre de cette médecine-là, semble extraordinairement menaçante. Dans les années 1800-1820, autour des premières usines chimiques, de chimie lourde, il y a des centaines de pétitions qu'on peut retrouver dans les archives. Et dans ces pétitions, ce qui est en jeu, si on autorise ou pas une usine, c'est la possibilité de créer des épidémies artificielles, d'entraîner la dégénérescence de la population de Rouen, de Marseille, de Paris, etc. Obsession de la dégénérescence à l'époque, oui. Oui, parce que le corps est pensé comme vraiment en interaction avec son environnement. Le corps est pensé même plutôt comme une sorte de pâte molle, quelque chose qui est très malléable et qui va être transformé assez profondément par l'environnement. On est dans une pensée lamarckienne, en fait, au sens de Lamarck. Voilà, exactement, donc, où les acquis se transmettent à travers l'hérédité. Et donc l'enjeu, c'est vraiment un enjeu très profond, à la fois de santé des populations et même vraiment de dégénérescence des corps. Ça remonte au XVIIIe siècle d'ailleurs, puisqu'on voit plusieurs auteurs qui décrivent l'air. Je pense à John Arbuthnot en particulier, 1731, essai concernant les effets de l'air sur le corps humain, qui décrit l'air comme un mélange d'exhalaisons naturelles et artificielles qui déterminent les santé humaines. L'atmosphère est pensée comme quelque chose qui est coproduit par l'industrie, par les artisans, par la population et par les animaux. Une fois qu'on a bien conscience qu'il n'y a pas eu en fait de prise de conscience environnementale, ça c'est vraiment un point sur lequel il faut insister, c'est qu'il n'y a pas de prise de conscience, vu qu'on était conscient dès le début. On était à la limite plus conscient des dangers en 1800 qu'on va être à la fin du 19e siècle, par exemple. L'histoire, donc, dans ce contexte-là, c'est une histoire de désinhibition. L'enjeu, c'est comment on s'est rassuré, en fait. Comment l'administration, par le biais de l'expertise hygiéniste en particulier d'ailleurs, se rassure quant aux effets d'industrialisation sur sa population. Le point vraiment fondamental sur le travail des hygiénistes parisiens dans les années 1820-1830, c'est de faire basculer les théories médicales d'une centralité de l'environnement à une centralité du social ou des mœurs. On passe en fait de causalités qui reposent sur les questions d'air, d'eau, etc., à des causalités de maladies qui reposent bien davantage sur la richesse. C'est Louis-René Villermé, un grand médecin hygiéniste très fameux, pour avoir montré qu'en fait, plus on est riche, plus l'espérance de vie est grande. Il montre ça en étudiant la mortalité dans les différents quartiers de Paris. Un des premiers à avoir fait vraiment des enquêtes dans les milieux ouvriers. Tout à fait, oui. Et le but, à vrai dire, de cette enquête-là, c'est de rassurer en fait les populations bourgeoises et citadines qui se plaignent de l'industrialisation. À la limite, les ouvriers, ils sont plus étudiés comme cobayes ou comme révélateurs des non-dangers de l'environnement. Il y a en même temps une préoccupation sociale chez Villermé. Il y a une préoccupation sociale. Villermé, son travail essentiel, c'est de conseiller le préfet sur les autorisations des usines au début de sa carrière. Le préfet de Paris mène une politique industrialiste contre les desiderata de la bourgeoisie parisienne. Il y a tout plein de plaintes de Parisiens, souvent épaulées par des médecins très prestigieux de la faculté de médecine de Paris, qui disent « si vous autorisez cette usine, vous allez créer des maladies. Mon patient, effectivement, je certifie qu'il est malade depuis qu'on a autorisé cette usine, etc. » Et donc ce conseil de salubrité de Paris, qui a été bien étudié par Thomas Leroux, se retrouve confronté à tout ce conflit social finalement autour de l'industrialisation, et l'hygiénisme sert en quelque sorte à rassurer. L'enjeu, ce n'est pas tant... Les usines peuvent sentir mauvais, mais elles ne sont pas dangereuses, elles ne sont pas insalubres. Il y a toute une différence qui est faite entre incommodité et insalubrité qui émerge aussi dans ce contexte-là. C'est aussi le moment où la police a beaucoup de difficultés à faire respecter les règles de la salubrité, mmh. parce qu'il y a ce conflit entre, en effet, les habitants qui ont peine à supporter les effets nocifs de la proximité des industries ou des ateliers, et d'autre part, le poids de l'industrie elle-même qui déjà accepte, vous le disiez, pollueurs et payeurs, qui acceptent de donner un certain nombre de sommes pour qu'on les laisse tranquilles. Il y a d'ailleurs un décret sous Napoléon qui est tout à fait topique, qui est inspiré par Chaptal, qui était lui-même un industriel, ministre de l'Intérieur et industriel pollueur, qui décide, n'est-ce pas, qu'une fois qu'on aura fixé l'indemnité potentielle, on ne pourra plus chercher noise aux industries concernées. Ce que vous dites sur la police, c'est fondamental, en fait. C'est-à-dire que la police était l'institution qui gérait la qualité des environnements en ville. Arrive la révolution industrielle, des dispositifs productifs à la fois très polluants et très intensifs en capitaux, et la police régulait l'environnement en excluant les artisans de la cité. À partir du moment où il y a des gros capitaux qui s'investissent dans l'industrie, ce mode-là de régulation par la police n'est pas tolérable. Et donc le décret de 1810, effectivement inspiré par Chaptal, son enjeu c'est de stabiliser le capitalisme industriel. On va donner une autorisation administrative, il va y avoir une procédure d'enquête un peu rigoureuse, mais une fois qu'on a donné cette autorisation, les opposants aux usines n'ont aucune chance de voir les usines interdites. Ça n'arrive quasiment jamais au cours du 19e siècle qu'une usine dûment autorisée soit ensuite interdite du fait des pollutions. C'est clair à Marseille, par exemple, avec les usines de soude. Et elles ne vont pas être interdites. C'est-à-dire, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura tellement de procès aux civils que certaines usines préféreront déménager plutôt que payer des indemnités liées aux pollutions qu'elles produisent. Gaz d'éclairage aussi est topique. Alors, le gaz d'éclairage, c'est une technologie qui est intéressante parce que dans les années 1820, ça suscite une immense controverse à Paris. C'est vraiment quelque chose qui est frappant, c'est de voir déjà qu'il y avait des grandes controverses autour des risques et des technologies, des choix technologiques dans ces années-là, au tout début de la révolution industrielle. Alors le gaz d'éclairage, ça sert à produire de la lumière. C'est une technologie assez absurde en fait. Ça sert à produire de la lumière en chauffant très fort du charbon, en utilisant du charbon. Ce procédé-là produit un gaz qu'on va transporter à travers toute la ville et qu'on va mettre sous pression dans un énorme gazomètre. C'est ça qui suscite beaucoup de craintes dans Paris, pour produire une lumière qui est très très... peu intense. Et c'est déjà critiqué comme une technologie absurde. Donc il y a une très grande controverse à Paris autour des années 1822-1823. C'est lors de cette controverse que s'invente l'idée de normes techniques de sécurité. C'est-à-dire que le compromis que va trouver le gouvernement pour essayer de calmer la situation, l'usine a été autorisée, les capitaux ont déjà été investis, elle est construite en fait. Ça se situe dans le Faubourg Poissonnière à Paris, un quartier assez chic à l'époque. Le compromis, ça va être de dire, on va imposer à l'industriel un certain nombre de normes de sécurité qui vont être définies par l'Académie des sciences, une institution très prestigieuse, l'idée étant de rendre le risque nul. C'est-à-dire que vraiment, l'idée est de rendre la technique absolument parfaite. Les opposants mobilisent très bien un argument qui ressemble un peu au principe de précaution. Ils disent, le risque est sans doute très faible qu'une usine de gaz d'éclairage explose, mais si ça arrive... On n'en sait rien, en fait. C'est déjà le risque zéro. Certains expliquent que Paris pourrait être entièrement rasé en cas d'explosion de gazomètre. Donc, il y a évidemment une exagération du risque. Mais ce qui est important, c'est qu'on a déjà affaire à un risque tout à fait majeur. Enfin, un quartier entier est soumis à un risque très difficilement appréciable, puisqu'on n'a aucune idée de ce que c'est que ce gaz d'éclairage. C'est une technologie entièrement nouvelle. Plus le risque que, tout à coup, l'obscurité surviennent. Alors, comme l'héritier du trône, le fils du futur Charles X, a été assassiné par Louvel à l'opéra, on entend dire, mais qu'est-ce qui se passerait? C'est le poète Charles Nodier qui a des phrases étonnantes pour terrifier à propos du gaz. Supposons toute la famille royale à l'opéra, supposons l'inadvertance d'un ouvrier du gazomètre, et supposons un Louvel, c'est le nom de l'assassin, un Louvel dans la foule au milieu de l'obscurité. Et que de moyens un parti naturellement propre à bouleverser la société, et que de moyens un parti aurait pour obtenir cette inadvertance. Et néanmoins, dans le même temps, beaucoup continuent de se préoccuper en termes à la fois sociaux et environnementaux déjà, de l'effet de l'industrie. Il y a un texte fameux que je vais vous faire entendre de Tocqueville, quand il rend visite à Manchester en 1835. Sur un terrain plus bas que le niveau du fleuve et dominé de toutes parts par d'immenses ateliers, c'étant un terrain marécageux que des fossés fangeux tracés de loin en loin ne sauraient dessécher ni assainir. Là aboutissent de petites rues tortueuses et étroites que bordent des maisons d'un seul étage, dont les ais mal joints et les carreaux brisés annoncent de loin comme le dernier asile que puisse occuper l'homme entre la misère et la mort. Cependant, les êtres infortunés qui occupent ces réduits excitent encore l'envie de quelques-uns de leurs semblables. Au-dessous de leur misérable demeure se trouve une rangée de caves à laquelle conduit un corridor demi-souterrain. Dans chacun de ces lieux humides et repoussants sont entassés pêle-mêle 12 ou 15 créatures humaines. Tout autour de cet asile de la misère, l'un des ruisseaux dont j'ai décrit plus haut le cours traîne lentement ses eaux fétides et bourbeuses que les travaux de l'industrie ont teintées de 1000 couleurs. Elles ne sont point renfermées dans des quais. Les maisons se sont élevées au hasard sur ces bords. Souvent, du haut de ces rives escarpées, on l'aperçoit qui semble s'ouvrir péniblement un chemin au milieu des débris du sol, de demeures ébauchées ou de ruines récentes. C'est le Styx de ce nouvel enfer. Levez la tête, et tout autour de cette place, vous verrez s'élever les immenses palais de l'industrie. Vous entendrez le bruit des fourneaux, les sifflements de la vapeur. Ces vastes demeures empêchent l'air et la lumière de pénétrer dans les demeures humaines qu'elles dominent. Elles les enveloppent d'un perpétuel brouillard. Ici est l'esclave, là le maître. Là les richesses de quelques-uns, ici la misère du plus grand nombre. Là les forces organisées d'une multitude produisent au profit d'un seul ce que la société n'avait pas encore su donner. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Ce texte est extrait du carnet de notes de voyage de Tocqueville en 1835, donc à Manchester. C'est une lecture de René Renaud dans le Collège des Ondes en janvier 1961. On peut faire au moins deux lectures de ce texte. Premièrement, c'est vrai que Manchester, c'est un environnement absolument dévasté. Il y a des études assez précises faites par les historiens là-dessus. On estime que la luminosité de Manchester est réduite de moitié du fait de la pollution des usines de charbon. Au milieu du 19e siècle, il y a 500 cheminées qui crachent une quantité de fumée absolument ahurissante. Manchester, c'est 40% des exportations quand même de l'Angleterre au milieu du 19e siècle, donc c'est tout à fait considérable. Ça a des effets sur les corps qui sont tout à fait visibles par l'armée. L'armée britannique a du mal à recruter des conscrits à Manchester pendant la guerre des Boers, donc beaucoup plus tard, à la fin du 19e siècle, du fait de problèmes de rachettisme et de carences en vitamines, etc. L'autre point important, c'est que les Anglais ont eu n'ont pas réussi à réguler en fait la question de la pollution au 19e siècle. C'est quelque chose qui est frappant, c'est-à-dire malgré ces textes et ces dénonciations et ces problèmes majeurs et évidents, il y a plusieurs lois qui sont passées dans la fin du 19e siècle en Angleterre et elles échouent en fait à réduire la pollution industrielle dans les grandes villes anglaises. Le point aussi qui est intéressant, c'est de voir la lecture qu'ont les Français de ce qui se passe en Angleterre. Évidemment, en particulier dans les années 30, Tocqueville et bien d'autres sont à la fois fascinés en vérité par le développement industriel anglais, ils sont bien conscients qu'il y a une révolution industrielle, qu'il est en train de se passer quelque chose d'absolument majeur de l'autre côté de la Manche, et en même temps, ils voient ça avec beaucoup de crainte et d'anxiété. Les concentrations ouvrières semblent porteuse de révolution, donc c'est un danger politique. Et puis la question environnementale est très présente dans ces textes-là. Les années 20-30 en France, c'est vraiment un moment d'hésitation. On n'est pas sûr que l'industrialisation soit le futur. On a cet exemple anglais-là. Il y a des débats très intéressants, en particulier au moment dans le parti ultra-royaliste, qui est plutôt contre cette option-là. Et ça s'incarne dans des décisions concrètes. Par exemple, on a parlé de l'affaire du gaz d'éclairage, parce que c'est le parti ultra-royaliste qui arrive au pouvoir et qui a en fait envie d'interdire le gazomètre en disant, voilà, on ne peut pas tolérer une telle chose au milieu de Paris. En 1823, le ministre de l'Intérieur interdit les machines à vapeur en ville. une décision absolument ahurissante. Rétrospectivement, la machine à vapeur, c'est évidemment le moteur essentiel de la révolution industrielle. Et finalement, une fois encore, on va réussir à passer outre avec un système de normes de sécurité, etc., qui vont permettre l'établissement de machines à vapeur en ville. Donc Tocqueville, on pourrait penser aussi à Villeneuve-Bargemont, un économiste catholique social des années 30, critique vraiment fortement le développement anglais. On trouve par exemple chez Charles Fourier, le grand socialiste, un texte extraordinaire qui s'intitule « Détérioration matérielle de la planète ». Ces désordres climatériques qui aboutissent à un déclin de la santé du globe, ces désordres climatériques sont un vice inhérent à la culture civilisée. Elles bouleversent tout par la lutte de l'intérêt individuel avec l'intérêt collectif. Et là, il s'affronte très directement avec Saint-Simon, qui est au contraire le chantre également socialiste. C'est ainsi que nous le voyons aujourd'hui, de l'expansion industrielle ou industrialiste de la civilisation. Le texte de Charles Fourier est effectivement absolument fascinant. Il a été écrit en 1824, il sera publié ultérieurement, mais il l'a rédigé en 1824. Et l'enjeu est déjà éminemment climatique. L'enjeu, c'est vraiment la question du changement climatique dans le texte de Charles Fourier. La détérioration matérielle de la planète, pour lui, le symptôme le plus patent de cela, c'est une série de mauvais hivers, de mauvaises récoltes qui a eu lieu en Europe après, à partir de 1816, qui en fait sont dues à l'explosion d'un volcan en Indonésie, le Tambora, donc bien loin, à vrai dire, de ces questions d'industrie ou de ces questions européennes. Donc ce volcan a injecté une masse considérable de particules dans la haute atmosphère, et ça va refroidir le climat terrestre pendant quelques années. À travers l'Europe, mais aussi aux États-Unis, la question du changement climatique est vraiment sur le devant de la scène. Charles Fourier, quand il parle de la détérioration matérielle de la planète, l'enjeu pour lui, c'est la question essentiellement de la déforestation. Et le vice de l'individualisme, c'est le vice du propriétaire qui se permet de déboiser, parce qu'il est effectivement propriétaire du sol. On a eu la mise en place d'un système de propriété beaucoup plus absolu que sous l'Ancien Régime, au début du XIXe siècle. Et donc, en déboisant, il ignore en fait qu'il est en train d'altérer le climat de la planète. Donc c'est vraiment la question des externalités qui est en jeu en fait à cette époque-là et qui est centrée sur la question du déboisement. Il faut que nous en venions maintenant, Jean-Baptiste Fressoz, à la grande question des antécédents des préoccupations climatologiques que nous connaissons aujourd'hui. Il y a des rebonds de l'histoire qui sont tout à fait frappants. Dès le XVIIe siècle, on passe d'un climat qui est pensé en somme comme un lieu, comme une donnée géodésique qui s'impose à un ensemble, c'est vous qui l'écrivez, de processus dynamiques qui concourent à produire le caractère même d'un lieu et ça change tout. La notion de climat, en fait, elle se transforme. Donc effectivement, le climat à la Renaissance, c'est essentiellement une donnée astronomique. Et ça va devenir de plus en plus, avec la révolution scientifique, ça va devenir de plus en plus quelque chose de très concret, quelque chose qui est matériellement produit. Alors ça peut être par des facteurs naturels, les montagnes, les rivières, la présence des océans, etc., ont évidemment des impacts sur le climat. Et à partir du moment où on a cette vision plus physique, finalement, de la production des climats, la question de ce que fait l'homme à l'intérieur de cela devient centrale. Je voudrais aussi ajouter que la notion de climat est plus large que maintenant. Par exemple, on a parlé de la pollution. Il faut savoir que la notion de climat au XVIIIe siècle, c'est aussi une notion médicale qui prend en compte les airs, les eaux et les lieux, et donc les questions de pollution. C'est assez logique pour un médecin du XVIIIe siècle d'estimer qu'il fait de la climatologie, qu'il étudie les climats et la relation entre le climat et la santé des populations. C'est même, à vrai dire, une tendance très à la mode en médecine. Si on parle maintenant du climat météorologique, notre conception actuelle du climat, on a déjà des inquiétudes, ou en tout cas une conception, disons, de l'homme qui est capable d'influencer, de fabriquer les climats qu'il habite. Évidemment, ça semble très moderne, et en même temps, ça n'a rien à voir avec le climat actuel, avec la question du changement climatique actuel. Ça n'a rien à voir parce que l'enjeu essentiel, à partir du XVIIe siècle, c'est le cycle de l'eau. Et pas le cycle du carbone. De nos jours, la question climatique, elle est centrée sur les émissions de CO2, le fait qu'on émette trop de CO2, que la nature n'en capture pas assez par la photosynthèse, etc., et que ça produit l'effet de serre. Au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, l'enjeu central, c'est la question de la déforestation. La fin du XVIIIe siècle, c'est un moment d'étiage des forêts européennes, c'est aussi un moment de très intense déforestation en Amérique. Et on sait, depuis les travaux de Stephen Hales, un physiologiste anglais du XVIIIe siècle, que les arbres entretiennent des relations avec l'atmosphère, des échanges d'eau, c'est l'évapotranspiration, les échanges donc à queue avec l'atmosphère. Et on estime qu'en coupant les forêts, on est en train de perturber un cycle de l'eau qui est pensé comme global. Donc, à la fois, c'est très différent, et puis en même temps, il y a des ressemblances, parce que le changement climatique, c'est pas simplement le changement des petits climats locaux. On coupe une haie, il y a des vents qui sont plus forts, ce genre de choses. Mais c'est bien un changement climatique global. Donc ça, c'est moderne. Ça paraît moderne. En déforestant, au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, on imagine qu'on est en train d'altérer un cycle global de l'eau. Dans le cadre de la théologie naturelle, donc c'est-à-dire d'une vision de la planète comme une création divine et parfaite, finalement, émerge une anxiété sur le changement climatique et sur ce que Fourier appellera la détérioration matérielle du globe. On a hérité de cette planète organisée par une rationalité divine et infiniment supérieure à la nôtre. Qu'est-ce qui se passe quand on est en train de transformer profondément la création en déboisant un continent entier ? Ce qui frappe quand on regarde la fin du XVIIIe siècle, c'est l'opposition dès ce moment-là entre deux écoles. Il y a l'école d'une sorte d'optimisme démiurgique que représente assez bien Buffon, qui disait par exemple qu'en gérant convenablement son environnement, l'humanité pourrait, je cite, « modifier les influences du climat qu'elle habite et en fixer, pour ainsi dire, la température au point qui lui convient ». Alors la température, voilà, qui est très actuelle. Et puis en face, au contraire, des pessimistes, et l'anxiété climatique qui surgit dès ce moment-là, avec l'abbé Richard, qui disait qu'une épidémie aux Moluques hollandaises aurait eu pour cause la destruction des girofliers, parce que les particules aromatiques de ceux-ci corrigeaient l'air qui était corrompu par les fumées d'un volcan. Le débat, en fait, est entre une vision de l'humain, de la déforestation, comme quelque chose de positif, quelque chose qui permet d'adoucir le climat, de civiliser le climat, de réchauffer le climat. Et l'exemple majeur, c'est le cas de l'Amérique du Nord. Comment ça se fait que, à même niveau de latitude, on ait des climats si différents entre l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord ? L'explication, disons, dominante au XVIIIe siècle, c'est qu'on n'a pas encore déforesté l'Amérique du Nord. Et quand on aura déforesté l'Amérique du Nord, on aura un climat plus favorable à l'agriculture. En fait, cet argument-là émerge dès le XVIIe siècle pour essayer de convaincre les colons européens de venir travailler en Amérique du Nord, qui avait une réputation de climat absolument effroyable et épouvantable, beaucoup trop froid. Donc c'est un argument de promotion coloniale. On fera mieux, et on fera mieux grâce à la colonisation. Et Buffon s'inscrit là-dedans, parce que Buffon, il a une vision, enfin sa théorie principale, c'est que la Terre, c'est un morceau de soleil qui s'est détaché du soleil à cause de l'impact d'une comète. C'est donc quelque chose au départ de très très chaud qui se refroidit peu à peu. Et ça, c'est inexorable, on ne peut absolument rien y faire. À terme, on court à la mort thermique du globe. On ne peut absolument rien y faire, mais on peut ralentir le processus de manière temporaire et locale en déforestant, en drainant les marécages, etc., etc. Parce que ça réchauffe le climat, ça l'assèche. C'est pour ça qu'il a cette vision absolument démiurgique d'une humanité qui, collectivement, arriverait à gérer le climat de la planète et fixer la température au point qui lui convient. Ça paraîtrait COP21. Mais en fait, ça s'inscrit donc dans cette vision d'une tendance au refroidissement planétaire. Son livre s'appelle « Les époques de la nature » significativement. Oui. La chose qui est assez fascinante, moi, je trouve, à cette époque, c'est que, en fait, le temps de la Terre est commensurable au temps de l'histoire humaine. La Terre, pour Buffon, elle a au maximum 70 000 ans. Et donc, ce que fait l'humain sur la planète, ça s'inscrit dans l'histoire planétaire. Il n'y a pas eu encore de divergence des temporalités entre une Terre extrêmement ancienne, des centaines de millions, même des milliards d'années, et puis une histoire humaine qui se compte en décennies ou en siècles et qui n'a aucune influence sur la Terre. Ça, c'est essentiel, évidemment. C'est essentiel. Le fait qu'on restitue à la planète une très, très longue durée par rapport à un caractère très court et presque historique des choses. Il y a d'ailleurs dans cette histoire de la colonisation une période intéressante, c'est celle du milieu du 19e siècle, lorsque on voit un certain nombre de médecins poser la question de l'influence potentiellement néfaste des climats orientaux. On est dans l'ambiance de l'orientalisme sur les corps des colons, avec le cas du peuple égyptien. Je relève cet extrait de la leçon inaugurale de la chaire d'hygiène à la faculté de médecine de Montpellier, prononcée par son titulaire Jean-Baptiste Bérard. On est en 1826. L'Égypte était l'un des pays les plus sains, les plus fertiles et les plus peuplés de l'Antiquité. Ce même pays, soumis à l'ignorance et à la barbarie de l'islamisme, est devenu le pays le plus insalubre des temps modernes. Le Nil, par l'incurie turque, est devenu la source de la peste qui infecte ou menace le reste du monde. Fin de citation. Les discours sur l'environnement sont des discours qui servent à hiérarchiser les peuples. Il y a des pays qui gèrent bien leur environnement, des peuples qui gèrent bien leur environnement, l'Europe occidentale globalement, et il y a des peuples qui gèrent très mal leur environnement, qui coupent trop d'arbres ou bien qui laissent proliférer les marais, et de ce fait produisent leur propre dégénérescence, puisque évidemment l'environnement façonne ensuite les corps et les intellects des peuples. L'Orient, en général, c'est vraiment pensé comme un peuple inférieur, comme un lieu inférieur, parce qu'ils ont mal géré l'environnement, ils ont trop déboisé, par exemple, et les ruines, les effondrements de grandes civilisations comme Palmyre, par exemple, sont vraiment mis en exemple en disant ils ont coupé trop de bois, et de ce fait, ils ont en fait asséché leurs sources, changé leur climat, d'où maintenant ces ruines sises au milieu de désert. Je ne pense pas que cette hiérarchie établie au XIXe siècle, du point de vue qui nous occupe, l'angoisse de la climatologie, que cette hiérarchie soit exactement la même lors de la conférence qui va s'ouvrir. Non, parce qu'en fait, évidemment, c'est l'inverse. C'est les pays riches qui ont dégradé le climat, mais le climat global. Et le pire, c'est que c'est les pays riches qui vont le moins souffrir, en fait, du changement climatique, puisqu'ils sont plutôt situés au nord, et que les questions de changement climatique vont les impacter plus tard que les populations qui n'ont pas, en fait, profité du développement et qui ont assez peu émis de CO2, à savoir les populations qui vivent plutôt dans les zones tropicales. D'ailleurs, cela conduit à une réflexion sur l'apparition du mot « anthropocène ». Au début de notre 21e siècle. L'anthropocène, c'est vraiment une proposition géologique d'ouvrir une nouvelle époque dans l'échelle des temps géologiques de la Terre pour signifier que l'humain est devenu la principale force agissant sur la planète. Pour la première fois. Voilà. Et ça a été proposé donc autour des années 2000 par un chimiste néerlandais qui s'appelle Paul Crutzen, qui avait eu un prix Nobel de chimie pour ses travaux sur la couche d'ozone. Ce qui est important dans le concept d'anthropocène, je pense, c'est la dimension temporelle. Ce qu'il nous dit, c'est que ce qu'on vit, c'est pas simplement une crise environnementale, quelque chose qui a une temporalité courte, l'idée qu'on va quand même sortir de la crise un jour. Si on vit une nouvelle époque géologique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir de sortir de cette situation-là. En gros, ce que nous dit l'anthropocène, c'est qu'on a altéré la dynamique du système Terre pour des temps incommensurables, pour des époques géologiques. Changement radical de rythme historique. Voilà, disons que ce qui est aussi assez impressionnant, c'est que finalement, en quelques décennies, en 2 siècles tout au plus, l'activité humaine a fait basculer le système Terre sur une autre trajectoire, en fait. Et ça, ça va durer très longtemps. Au XVIIIe siècle, encore au début du XIXe siècle, les civilisations industrielles européennes se pensent comme vivant dans un anthropocène. C'est-à-dire que les industriels du début du XIXe siècle, ils sont persuadés que ce qu'ils font a un sens à l'échelle de l'histoire de la planète. L'atmosphère, par exemple, pour eux, est profondément transformée par la combustion de charbon. Certains industriels expliquent que, heureusement, on brûle du charbon. Parce que sinon, vu qu'il y a de plus en plus d'humains, qui ont de plus en plus de bétail, qui construisent des maisons, tout ça, ça stocke du carbone. Et si les industriels n'émettaient pas du charbon, il y aurait beaucoup trop d'oxygène dans l'atmosphère. Et ça, ça poserait tout plein de problèmes pour la santé humaine. Donc l'idée de long terme est déjà très présente, contrairement à ce qu'on croit. Mais elle est du côté de l'optimisme et non pas de l'angoisse actuelle. Voilà. On bascule dans un schéma plutôt pessimiste après la Révolution française. Pour des raisons complexes, qu'on étudie donc avec Fabien Locher, on est en train de travailler un livre sur ces questions, et ce qu'on explique, c'est à quel point la Révolution française joue un rôle central. La Révolution française, c'est un moment de transfert de propriété des bois. Les bois qui appartenaient au clergé et à l'aristocratie sont nationalisés. À chaque fois se pose la question, quand on veut désendetter la France, c'est une question qui semble très actuelle, mais la question de la dette publique est évidemment fondamentale après les guerres napoléoniennes. On a une forte indemnité à payer aux alliés, par exemple. Et les bois nationaux, qui sont vendus peu à peu par la Caisse des dépôts et consignations qui est créée en 1817 pour cela, les bois servent à garantir la dette publique et à aussi désendetter la France. Et donc à chaque fois qu'à l'Assemblée nationale, on va parler de vente de bois nationaux pour payer la dette, émerge ou réémerge la question du changement climatique. Ah, mais si vous vendez les bois nationaux, alors vous allez dégrader le climat de la France et plus généralement du monde. La critique vient de la droite contre-révolutionnaire. La critique vient des ultra-royalistes, effectivement, puisque c'était des forêts qu'ils estiment leur appartenir. Mais c'est à la fin du 19e siècle qu'apparaissent vraiment les doctrines inspirées par l'idée de la finitude de la Terre. L'idée de l'angoisse chez les géographes, Jean Brune ou d'autres, ou Friedrich, le géographe allemand, avec l'idée qui fait naître la notion de Raubwirtschaft, c'est-à-dire d'économie de pillage. Alors, sur la question de la finitude de la Terre, on a une histoire qui est assez similaire à celle du climat. Je pense qu'à la fin du XVIIIe siècle, la question de la finitude est centrale, tout simplement parce que l'énergie, c'est l'énergie de surface, c'est simplement l'énergie liée au bois. Donc on a un stock très limité d'énergie, on vit dans une contrainte énergétique très forte. Si on choisit de développer, telle industrie, on a besoin de plus d'énergie, donc il faut plus de bois. Mais si on a plus de bois, on aura moins de champs et donc moins de grains et donc moins de population. On vit dans ce qu'on appelle une économie organique. Tout au cours du 19e siècle, cette idée de finitude va être battue en brèche par les géologues. La géologie, en particulier du charbon, va créer l'image d'un globe infiniment riche. Ne serait-ce parce qu'on étend aussi l'âge de la Terre. Je vous disais qu'avec Buffon, l'âge de la Terre, c'est 70 000 ans. Avec les géologues comme Lyell en Angleterre, avec des théories gradualistes, la Terre commence à devenir très ancienne. Mais si la Terre est très ancienne, ça veut dire que la nature a eu le temps d'accumuler dans ces temps incommensurables des stocks de charbon énormes. À la fin du 19e siècle, en particulier à partir des années 1860, avec Jevons, hein, qui écrit un livre très important qui s'appelle The Kroll Question. Un grand économiste, un des fondateurs de l'économie marginaliste, hein, donc une figure intellectuelle centrale de l'Angleterre victorienne. Donc à la fin du 19e siècle, émerge plutôt l'idée de nouveau d'un globe fini, limité. Moi, ce qui me fascine dans ces débats sur la finitude à la fin du 19e siècle, c'est les échelles temporelles qui sont mobilisées. Chez Jevons, par exemple, l'enjeu, c'est de savoir si on aura du charbon encore en Angleterre dans 300 ans ou dans 1000 ans. C'est ces perspectives temporelles-là qui sont débattues à la Chambre des communes anglaise. On est juste avant le traité Cobden-Chevalier, hein, de traité de libre-échange avec la France. À l'époque de Napoléon III, 1860. Voilà. Est-ce qu'on va ou pas taxer le charbon qui est exporté de l'Angleterre vers la France ? Donc ceux qui sont en faveur de la taxe, leur argument c'est de dire, justement ils mobilisent Jevons en disant « Mais attendez, du charbon, on n'en a que pour 300 ans ». Ceux qui sont libre-échangistes, ceux qui disent qu'il ne faut pas taxer le charbon, disent non, non, mais du charbon, il y en a pour 1000, 2000 ans. Ce qui est fascinant, c'est de voir que les Anglais, l'élite anglaise qui gère l'empire, le plus grand empire de tous les temps, se donne un rôle historique absolument phénoménal. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de savoir si l'Angleterre sera encore la première puissance mondiale dans 300 ans ou dans 1000 ans. Donc on a vraiment des pensées de très très long terme sur ces questions de finitude des ressources, de beaucoup plus long terme que maintenant. Quand on parle des questions de changement climatique, c'est à 20 ou 30 ans qu'il faut agir pour pas dépasser les 2 degrés en 2100. Sur la question du pétrole, même si c'est des temporalités plus longues, c'est à l'échelle du siècle, tout au plus. Donc il y a eu un raccourcissement des horizons temporels, alors qu'on s'imagine, nous, au contraire, être enfin capable de penser le futur, de se projeter, de faire des modèles, etc. Très important pour nous alerter, pour nous pousser à la fois à la modestie et un regard élargi. La question de la modestie, je crois, est absolument centrale, effectivement, dans mon travail. C'est-à-dire que ce que je trouve assez étrange, c'est un discours finalement assez optimiste, curieusement, sur la prise de conscience environnementale, sur ce qu'on appelle la modernité réflexive en sociologie. En fait, si on fait un petit peu l'histoire de ces questions-là, on voit que on a toujours été réflexif, c'est-à-dire on s'est toujours posé des questions sur les trajectoires de développement, etc. Et puis ça n'a pas changé grand-chose. Donc en fait, c'est un peu une sorte de modestie de notre propre idéologie sur l'environnement, sur la nature, etc. C'est-à-dire il se pourrait bien que la conscience des choses ne change pas grand-chose. C'est un peu déprimant, mais je crois que l'enjeu, c'est plutôt de se recentrer sur ce qui importe vraiment, donc sortir des questions d'ontologie, de conscience et de réflexivité, et puis s'interroger vraiment sur les modes de production, en fait, puisque c'est ça qui nous a quand même mis dans le bourbier environnemental dans lequel on est. Chez Max Weber, il y a des réflexions fortes intéressantes. Max Weber, il dit, enfin c'est une sorte de précurseur de la décroissance en quelque sorte, il dit il faut espérer que le capitalisme dévastateur et individualiste s'arrête avant qu'on arrive à la fin des ressources naturelles, parce que sinon il y aura un effondrement. Donc on a des discours qui sont assez précurseurs effectivement des questions de décroissance. On retrouve aussi un débat très très actuel, c'est-à-dire est-ce que le phénomène capitaliste, la recherche du profit par les entreprises et les firmes, peut là comme ailleurs donner le meilleur des mondes possibles, ou est-ce qu'il faut cette édilité international qu'évoquait Huzard dans son texte que nous citions tout à l'heure. Et là, on est plutôt, semble-t-il, à l'aube de la COP21, du côté de l'édilité, de l'intervention indispensable des États. Disons que la question de la régulation du capitalisme est en fait la question centrale de ces affaires de climat. On s'est beaucoup centré sur le problème des pollutions, comment on allait réguler les pollutions, sur est-ce qu'il faut mettre une taxe sur le carbone, est-ce qu'il faut faire des quotas d'émissions de CO2, etc. Et on ne s'est pas assez interrogé. Ce qui est au centre, finalement, c'est les modes de production énergétique, les modes de production. C'est ça dont on devrait discuter beaucoup plus que des manières de réguler des pollutions qui ont déjà été émises. L'enjeu, c'est évidemment d'éviter de les émettre. Il y a un autre éclairage, c'est la question de l'évolution de l'idée de la responsabilité des humains. Cette idée fléchie au milieu du 19e siècle. Quelqu'un comme Auguste Comte, par exemple, qui introduit l'idée des trois âges et l'idée que cette théorie des trois états qui, finalement, s'impose contre les déterminismes climatiques. C'est-à-dire que ces anxiétés climatiques, elles reposent aussi sur une théorie du déterminisme climatique. Le climat, quand on a lu Montesquieu, on le voit très bien, c'est vraiment un facteur essentiel pour expliquer les formes politiques, l'état d'avancement des sociétés, etc. Ça, c'est la théorie des climats de Montesquieu, illustrissime. Exactement. Et en fait, au milieu du 19e siècle, à partir du milieu du 19e siècle, il y a tout un tas de disciplines qui se construisent contre le climat et contre cette théorie de Montesquieu. Et la sociologie, c'est le meilleur exemple de cela. Et d'ailleurs aussi, on retrouve ça chez Durkheim, qui construit sa méthode sociologique en disant, voilà, il y a des faits sociaux qui sont autonomes des circonstances climatiques, naturelles, etc. Le milieu du 19e siècle, c'est aussi un moment où la climatologie se transforme profondément. C'est-à-dire, on a la théorie des glaciations, par exemple, donne l'image de grands cycles glaciaires qui s'étendent sur des périodes très longues, 10, 20 000 ans. Et finalement, l'humanité est prise dans ces grands cycles glaciaires et ne peut pas y faire grand-chose. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, à la fois la possibilité que l'homme puisse agir sur le climat est remise en cause, et réciproquement, le climat perd de son importance en tant que facteur central de l'organisation sociale. Il va prendre sa revanche au début de notre 21e siècle. Sur ces pulsations successives, ces va-et-vient, ces sinusoïdes du souci des hommes quant à l'évolution du climat, la climatologie, la situation de la Terre dépendant d'eux-mêmes, une archive que j'ai le goût de vous faire entendre, Jean-Baptiste Fressoz, qui remonte à janvier 1959. C'est un extrait des Actualités de Midi sur la radio d'État. Et c'est Philippe Diollet, un vulgarisateur, qui intervient volontiers sur ces choses, qui parle du réchauffement climatique de la façon que vous allez voir. On a parlé, on parle beaucoup ce matin, du réchauffement de la planète. Je ne crois pas du tout qu'il y ait un lien entre ce pseudo ou ce prétendu réchauffement et le tremblement de terre qu'on a ressenti en Bretagne. À vrai dire, il y a de temps en temps comme ça des petites poussées qui sont plutôt des poussées de fièvre journalistique que des poussées cosmiques. Je crois qu'il est plus intéressant de dire comment peuvent se former ces petits phénomènes d'information. C'est très simple. Là, on peut démonter le système. C'est un peu la faute de l'année géophysique internationale et un peu la faute d'un professeur américain dont on a publié les déclarations. Le plus intéressant que l'on puisse dire, c'est que ce rapport de l'année géophysique internationale qui vient d'être publié apporte en effet des indications sur le réchauffement, mais plus particulièrement sur le froid, paradoxalement. Les savants soviétiques ont enregistré la température la plus basse qui ait jamais été connue. C'est moins 124 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire à peu près moins 87 degrés centigrades. Et aussi, on a mesuré la couche de glace la plus épaisse. Vous voyez qu'il n'est toujours pas question du réchauffement. 5100 mètres à 160 km de la station Bird. Mais voilà l'origine de notre petite information. Il est quand même question dans ce rapport du réchauffement. La température moyenne du pôle sud s'est élevée de 5 degrés en 50 ans. Et le réchauffement du Spitzberg est deux fois plus fort. À vrai dire, nous savions bien que nous étions dans une époque de réchauffement. Cela s'enseigne même dans les écoles, ce n'est pas nouveau. La fonte des glaces le long de la côte antarctique provoque une diminution rapide de la salinité de l'eau et il n'y a pas lieu de s'effrayer particulièrement. Sans doute ce réchauffement, et c'est ce qu'on explique beaucoup, peut-être pour faire un peu peur au public, ce réchauffement peut provoquer par la fusion des glaces une montée des océans, du niveau des océans. L'histoire de la Terre a connu déjà bien des régressions et des transgressions marines. Il n'y a pas lieu d'épouvanter les populations côtières en leur disant de se retirer parce que l'océan va monter. Et selon un savant américain, le professeur Elton Quinn, et voici la deuxième phase qui explique la naissance de cette nouvelle du réchauffement, selon ce professeur américain, le réchauffement serait dû à l'accroissement de gaz carbonique déversé dans l'atmosphère par nos fourneaux, nos poêles et nos automobiles. Situation qu'il qualifie d'entièrement nouvelle dans l'histoire de la planète. Je veux bien le croire, ce matelas carbonique laisse passer les rayons solaires mais s'oppose à la sortie des calories emmagasinées sur la planète. De là à s'épouvanter, je crois qu'il y a encore le temps de réfléchir. Bon, alors nous ne dirons pas après nous le déluge. Nous ne dirons pas après nous le déluge. On peut peut-être, Jean-Baptiste Fressoz, on peut peut-être inscrire Philippe Diollet par anticipation parmi les climato-sceptiques. Ce serait un petit peu injuste, parce que c'est vrai que c'est un texte quand même, c'est une intervention de 1959, à un moment, dans les médias, hein, dans les médias donc généralistes. Je veux dire, je suis vraiment surpris par la présence du débat sur le changement climatique dès 1959 dans les médias français. Si même vous, spécialiste de ces choses, on vous surprend, c'est une victoire. Oui, c'est vraiment intéressant. Alors, évidemment, on sait que la théorie de l'effet de serre et du fait que les émissions de CO2 réchauffent le climat, c'est une longue histoire. Ça remonte à Joseph Fourier, pas Charles Fourier, Joseph Fourier, le physicien français qui met en avant cet effet de serre. Un simple homonyme. Voilà. Une autre date importante, c'est les années 30. Stuart Callender, c'est un ingénieur anglais qui publie un texte extraordinairement précis sur le réchauffement climatique lié aux émissions de CO2, donc dès les années 1930. Donc, dans les cercles savants, il y a une connaissance de ce phénomène-là. Ce que je trouve intéressant, c'est la date, 1959, l'année géophysique internationale, et ça nous rappelle quelque chose de fondamental, c'est que l'alerte sur le changement climatique remonte aux technologies de la guerre froide. C'est vraiment la guerre froide, le contexte de la guerre froide et les technologies de la guerre froide. Pourquoi ? Des technologies militaires qui nous ont donné conscience, finalement, de ce problème du changement climatique. Pourquoi ? La guerre froide, c'est une préparation à la Troisième Guerre mondiale qui est envisagé comme une guerre globale. Il faut envoyer des missiles à 10 km d'altitude. Pour ça, il faut connaître très précisément la composition de l'atmosphère, les vents. Il faut contrôler des sous-marins à travers tout le globe. Et pour ça, il faut connaître l'océanographie de manière très précise. Donc en fait, il y a une révolution, une profonde transformation en tout cas, des savoirs de l'environnement terrestre pendant les années 50-60, liées à la perspective d'une troisième guerre mondiale. Évidemment, dans cette perspective-là, le pôle Nord est central, puisque ça va être le champ de bataille très concret entre Russes et Américains. Et c'est pour cela que les premières mesures précises de l'épaisseur de la calotte glaciaire, de son évolution, sont faites par des militaires américains dès les années 50. Et donc, dès les années 50, il y a une connaissance par le Pentagone et par l'appareil militaire américain du problème du changement climatique et de son effet sur la calotte glaciaire. On peut rappeler que 60% du CO2 était émis encore vers 1950 par la seule Grande-Bretagne et l'Amérique. Mmh. Donc, il y a aujourd'hui, évidemment, un dialogue que l'on sent très intense entre les nations en développement récent ou les grands pays d'industrie antérieure, en leur disant, c'est très bien, vous voulez maintenant nous empêcher de polluer, mais vous avez pollué longtemps, ce qui vous a permis d'avancer, et nous, eh bien, il faut bien que nous vous rattrapions, et donc il faut nous donner au moins une compensation financière. La question est extrêmement délicate, parce que cette affaire de dette environnementale des pays riches, cette affaire de responsabilité commune mais différenciée, est maintenant instrumentalisée par les négociateurs chinois en particulier, pour ne pas faire trop d'efforts en termes d'émissions de CO2. Donc c'est une affaire délicate. En même temps, c'est vrai que historiquement, si on prend les émissions cumulées, vous l'avez rappelé, les émissions cumulées de CO2, elles sont de manière écrasante la responsabilité des pays riches, et même de deux pays seulement, l'Angleterre et les États-Unis. C'est pour ça que plutôt que parler d'anthropocène, ça aurait été plus pertinent de parler d'anglocène jusqu'au moins en 1980. Donc ce point-là est vraiment, à mon avis, important à avoir en tête. À vrai dire, on peut même penser que c'est encore plus grave, parce que la question de la colonisation est centrale, en fait, dans l'affaire de l'anthropocène. Pas simplement de la colonisation, mais de ce qu'on appelle l'impérialisme informel. Pourquoi ? Parce que les pays du centre, donc les États-Unis, l'Angleterre, les pays occidentaux, en brûlant du charbon ou du pétrole, accroissent leur capacité productive sur leur territoire. Mais il faut bien nourrir cette machine industrielle. Et donc, en fait, c'est l'ensemble de la biomasse au niveau mondial qui va être mobilisée, qui va être drainée, qui va alimenter l'industrie des pays riches. Un exemple qui me semble assez frappant, c'est le cas de l'industrie cotonnière en Angleterre au milieu du 19e siècle, un des ferments, évidemment, de la révolution industrielle. Cette industrie cotonnière, elle n'a un intérêt que si on a accès à des fibres textiles produites abondamment, évidemment, par des esclaves africains en Amérique. Donc on ne peut pas penser le développement industriel sans penser aussi le sous-développement, la colonisation, l'esclavage et la pauvreté, en fait. Et cela concerne directement notre question. Oui. Le point important, c'est à mon avis d'avoir une vision à la fois historique et politique de cette crise environnementale. C'est quelques puissances qui nous ont fait prendre le chemin de l'abîme, finalement. Et en se développant, elles ont aussi produit de la pauvreté. Eh bien, nous nous en tiendrons là, Jean-Baptiste Fressaud. Je signale deux ouvrages importants que vous nous avez donnés. D'abord, L'Apocalypse joyeuse, une histoire du risque technologique, aux éditions du Seuil. Et puis l'autre ouvrage que je tiens à signaler, c'est celui que vous avez écrit avec Christophe Bonneuil, qui s'appelle « L'événement anthropocène », qui est plus directement consacré aux questions de la climatologie et de l'évolution à cet égard de notre Terre. Vous avez donné un résumé de vos thèses à l'Histoire dans son numéro de septembre 2015, la revue L'Histoire, Climat 2. L'homme entre en scène. Vous avez un projet qui est un nouveau livre avec votre complice Fabien Locher, Le climat fragile de la modernité. Qu'est-ce que sera ce livre ? Ça sera en fait une description du climat comme lieu central de la réflexivité environnementale, des manières dont les sociétés passées ont pensé les conséquences de leur agir sur la planète. Je signale aussi un livre très utile de Rémi Luglia, qui est paru chez les excellentes presses universitaires de Rennes, et qui s'appelle « Des savants pour protéger la nature, la société d'acclimatation », qui est née au milieu du 19e siècle et qui existe toujours. Il montre bien comment on est passé d'une époque où il s'agissait de réussir à faire que la nature s'acclimate à l'homme et lui répond mieux à ses besoins, avec un renversement au passage du 19e et du 20e siècle vers notre époque contemporaine. Comment faire pour que l'homme ne ravage pas la dite nature aux dépens de la nature et aussi aux dépens de l'avenir de l'homme. Je rappelle que l'émission que vous venez d'entendre a été diffusée une première fois le 14 novembre 2015. La semaine prochaine, nous parlerons du corbeau, l'homme et le corbeau, une étrange proximité, avec le concours de Michel Pastoureau. Eh bien, c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec le précieux appui de Nathalie Lempereur, avec aussi Jeanne Guéroux, une émission réalisée par Patrick Molinier, avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan. avec à la discothèque Nathalie Rouvillain et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Gwen Michel. Et dans quelques instants, nous retrouverons Étienne Klein pour la conversation scientifique.